Il habitait rue du Sauvage, dans la cité. Elle voulut s'y rendre à pied pour obéir aux recommandations d'économie de Rosalie. Il faisait beau, l'air froid piquait la chair. Des gens pressés couraient sur les trottoirs. Elle allait, le plus vite possible, suivant une rue indiquée au bout de laquelle elle devait tourner à droite, puis à gauche. Puis, arrivée sur une place, il lui faudrait s'informer à nouveau. Elle ne trouva pas la place et se renseigna auprès d'un boulanger qui lui donna des indications différentes. Elle repartit, s'égara, erra, suivit d'autres conseils, se perdit tout à fait. Affolée, elle marchait maintenant presque au hasard. Elle allait se décider à appeler un cocher quand elle aperçut la Seine. Alors, elle longea les quais. Au bout d'une heure environ, elle entrait dans la rue du Sauvage, une sorte de ruelle, toute noire. Elle s'arrêta devant la porte, tellement émue qu'elle ne pouvait plus faire un pas. Il était là, dans cette maison, Poulet. Elle sentait trembler ses genoux et ses mains. Enfin, elle entra, suivit un couloir, vit la cage du portier et, demandant, entendant une pièce d'argent, « Pourriez-vous monter dire à M. Paul de Lamarre qu'une vieille dame, une amie de sa mère, l'attend en bas ?» Le portier répondit, « Il n'habite plus ici, madame. » Un grand frisson la parcourut. Elle balbutia, « Ah ? Où demeure-t-il maintenant ? Je ne sais pas. » Elle se sentit étourdie, comme si elle allait tomber, et elle demeura quelque temps sans pouvoir parler. Enfin, par un effort violent, elle reprit sa raison et murmura, « Depuis quand est-il parti ?» L'homme la renseigna abondamment. « Voilà 15 jours. Ils sont partis comme ça, un soir, et pas revenus. Ils devaient partout, dans le quartier. Aussi, vous comprenez bien, qu'ils n'ont pas laissé leur adresse. » Jeanne voyait des lueurs, des rangées de flammes, comme si on lui eût tiré des coups de fusil devant les yeux. Mais une idée fixe la soutenait, la faisait demeurer debout, calme en apparence et réfléchie. Elle voulait savoir et retrouver Poulet. Alors, il n'a rien dit en s'en allant ? Oh, rien du tout. Ils se sont sauvés, pour ne pas payer, voilà. Mais il doit envoyer chercher ses lettres par quelqu'un. Plus souvent que je les donnerais. Et puis, il n'en recevait pas 10 par an. Je leur en ai monté une, pourtant, 2 jours avant qu'il s'en aille. C'était sa lettre, sans doute. Elle dit précipitamment, « Écoutez, je suis sa mère, à lui, et je suis venue pour le chercher. Voilà 10 francs pour vous. Si vous avez quelques nouvelles ou quelques renseignements sur lui, apportez-les-moi à l'hôtel de Normandie, rue du Havre, et je vous paierai bien. » Il répondit, « Comptez sur moi, madame. » Et elle se sauva. Elle se remit à marcher, sans s'inquiéter où elle allait.